Le poignard de Gérona par Henri Briset. Comme nous venions de passer pour fumer dans la chambre du général, j'avisai sur la cheminée un petit poignard à manche de corne avec une lame épaisse et courte. Je connaissais tous les bibelots du vieux soldat et c'était la première fois que je voyais cette arme. « Ah, tu regardes mon poignard, » me dit-il. « Figure-toi, mon enfant, que c'est Lazare, mon brosseur, qu'il a retrouvé au fond d'une vieille valise qui était au grenier depuis 50 ans. Et d'où vient-il, ce poignard ? Oh, c'est toute une histoire. Et une histoire pas ordinaire, je t'en réponds. Racontez, racontez, général. » Et tous, nous nous pressâmes autour de lui. Le grognard eut un petit rire, tapota de l'index le foyer de sa pipe et commença de sa vieille voix encore solide. Sorti de Saint-Cyr en 1812, je fus aussitôt envoyé au régiment pour lequel j'étais désigné. C'était le 5e chasseur à cheval à Madrid. Il n'y avait pas 2 mois que j'étais à mon corps quand nous reçûmes l'ordre d'aller rejoindre l'armée de Marmont qui cherchait à couper à Wellington l'entrée de la Catalogne. Nous atteignîmes l'ennemi près de Salamanque, aux Arapiles. Mais la fortune commençait à nous bouder et nous fûmes obligés, après 4 heures de combat, à nous mettre en retraite. Pour mes débuts, je n'avais pas eu beaucoup de chance. J'avais récolté un maître coup de sabre qui m'avait presque ouvert le crâne. D'ailleurs, tout allait mal. Marmont venait donc de se faire battre comme un tambour par Wellington, le petit tondu venait de s'embarquer dans son affaire de Russie, les Allemands remuaient, et les Autrichiens, en souvenir de leur Marie-Louise, allaient nous envoyer 300 000 hommes sur le Kazakin comme cadeau de noces. Mais tout ça, c'est pas notre affaire, ne nous embrayons pas dans les feux de fil. On m'expédia donc à l'hôpital, à Salamanque, où l'on me soigna si drôlement que je n'ai jamais compris comment j'ai fait pour ne pas passer l'arme à gauche. Puis, on se décida à me faire entrer en France. À petite journée, je gagnai Barcelone, où je voulus m'embarquer pour Marseille. Mais il n'y avait pas de bateau en partance, et je me décidai, contraint et forcé, à prendre la route de terre. Une épouvantable voiture, traînée par 4 mulets flanqués, me conduisit d'abord à Gérona, où je comptais passer la nuit. Gérona est une vieille ville forte, perchée sur un rocher. Je me rappelle que j'y entrais par une porte qu'on nomma Puerta de los Apóstolos, et orné des statues des 12 apôtres qui semblaient monter la garde. J'allai au gouvernement où je fus reçu par le vieux capitaine qui commandait la place. Il m'offrit à boire, me dit que ça n'allait plus comme dans son temps, et m'annonça qu'il allait me loger chez un brave homme de médecin qui serait ravi de me recevoir. Il me donna mon bulletin, me souhaita bonne chance, et me mit à la porte. Une fois dans la rue, grâce à quelques mots d'espagnol récoltés à droite et à gauche, je pus me faire indiquer la cale de la Piedra, où habitait mon hôte, Don Miguel Gutiérrez. La maison était une construction massive datant du Moyen-Âge et décorée de sculptures bizarres. Je heurtai à la porte. Une vieille servante vint m'ouvrir et faillit me jeter le bâton sur le nez dès qu'elle eut distingué mon uniforme. Je haussai le ton et, après quelques pourparlers, elle me conduisit à la salle où le docteur et sa fille prenaient leur repas du soir. La vision de ces 2 figures m'est toujours restée. Le docteur, grand, sec, avait un terrible visage qui semblait taillé à larges coups dans du vieux bois. Ses yeux, profonds et noirs, avaient un regard aigu comme une épée. J'étais alors bien jeune et peu observateur. Je compris pourtant tout de suite que l'homme que j'avais devant moi avait été tordu, desséché par quelque effroyable douleur. Sa fille, Manuela, était très belle. Sous les masses lourdes des cheveux bruns, des traits charmants se dessinaient. Mais, dans l'éclat caressant des prunelles, on retrouvait parfois la lueur aiguë des yeux de Don Miguel. Le docteur et sa fille parlaient bien français et ils firent de leur mieux les honneurs de leur modeste repas. Tout ce qui se passa dans cette soirée extraordinaire est resté tellement fiché dans mon cerveau que je me rappelle qu'on nous servit des petits poissons frits et du lard grillé avec des pois. Tout en mangeant, je dus leur donner des nouvelles de la guerre. Notre dernière défaite, dont ils avaient connaissance, parut les passionner. Quand j'expliquais comment nous fûmes obligés de nous mettre en retraite, il me sembla que leurs yeux prenaient une animation étrange. D'ailleurs, Don Miguel paraissait entièrement acquis au roi Joseph, et il me parlait des Anglais avec un mépris qui me plut. Bien qu'il ne fût pas tard, je me sentis très fatigué après le repas, et je demandai à mon hôte la permission de me retirer. Aussitôt la jeune fille se leva, alluma une chandelle et appela la vieille servante. Je souhaitai la bonne nuit au docteur, qui me rendit mon souhait, et me salua sans me tendre la main. Ce ne fut que plus tard que je me souvins de ce détail. Manuela m'invita à la suivre, et je m'engageai dans un escalier très étroit qui craquait à chaque pas avec un bruit agaçant. Au premier étage, elle poussa une porte, et je me trouvai dans une grande chambre toute lambrissée et pauvrement meublée d'une table, d'un lit et de quelques chaises. Au mur pendaient plusieurs gravures de religion. La servante entra derrière nous, elle portait des draps pour mettre au lit. C'était un luxe auquel je n'étais plus accoutumé, et je ne pus m'empêcher de témoigner mon contentement. La jeune fille eut un sourire bizarre, et elle me demanda si je ne désirais rien autre chose. Je lui dis que, puisqu'elle était si bonne, je serais bien heureux d'avoir de quoi écrire. Elle passa dans la chambre voisine et revint avec l'encre, la plume et le papier. Elle posa tout cela sur la table avec la lumière et m'approcha une chaise. Je m'assis et je commençai ma lettre. Pendant une minute encore, j'entendis remuer autour de moi les deux femmes, puis ma pensée s'envola près de celle à qui j'écrivais, et j'oubliai complètement la réalité. Soudain, un choc sourd sur le plancher et puis des sanglots. Je me retournai. Manuela, à genoux près de moi, pleurait. La vieille était partie, la porte était fermée, nous étions seuls tous deux. Je remarquai par terre, à côté de la jeune fille, un poignard. Je me levai tout étourdi, ayant mille pensées dans la cervelle, et je balbutiai, ne sachant que dire, « Oh, mademoiselle !» D'un double geste, elle écarta ses beaux cheveux et releva le front. Je vis alors son noble visage où glissaient des larmes. « Eh bien oui, » dit-elle d'une voix ardente, « j'ai voulu vous tuer. » Un frisson crispa toute ma chair. « Me tuer ? Que vous ai-je fait ? Tu es français ?» Elle siffla ces trois mots avec un terrible accent de haine. « Tu serais mort déjà sans cette lettre qui t'a sauvé. » Machinalement, je tournai la tête et je jetai les yeux sur le papier à moitié noirci. « Écoute, tu vas comprendre. » Elle se leva, ramassa le poignard qu'elle mit dans son fichu et commença de parler. « J'avais deux frères, beaux et braves, Ramon et Francesco. Je les adorais. C'était toute ma vie. Quand les Français entrèrent en Espagne, ils ne voulurent rien écouter et allaient rejoindre Pepe Calderon, qui était déjà célèbre comme chef de bande. Ils trouvaient parfois des occasions pour nous faire parvenir de leurs nouvelles. Dans leurs lettres, ils étaient pleins d'enthousiasme et de foi, et chaque ligne comptait une prouesse. Ils n'écrivirent plus. Pendant trois mois, mon père et moi, nous fîmes l'impossible pour avoir quelques nouvelles. Enfin, un jour, un garçon qui était parti avec eux revint blessé à Gérona. Il nous dit cette effroyable chose. Ramon et Francesco pris par trahison, livrés aux Français, fouettés, puis pendus. Ici, Manuela s'arrêta, la gorge serrée. Jamais je n'oublierai les terribles regards qu'elle jetait sur moi. C'était comme des pointes d'acier qui me fouillaient le cœur. Je ne pouvais rien dire ni rien faire. Elle aurait voulu me frapper à ce moment. Je n'aurais pas remué un doigt pour me défendre. Elle reprit. Fouetté, puis pendu. Alors je fis un vœu. Je jurai sur la croix que partout où je pourrais, je tuerais des Français. Ah, j'ai bien tenu mon serment. Habillé en homme, je cours la montagne. Les tiens me connaissent, en Catalogne, en Aragon, en Biscaye, partout j'ai porté la mort. Tu as bien entendu mon nom. On dit que vos vieux grenadiers baissent la voix quand ils le prononcent. La Matadora. La Matadora, la tueuse. Si je le connaissais ce nom, mais ce n'était pas possible, je ne pouvais pas croire. Les idées dansaient dans ma tête comme une pluie d'orage sur le pavé. De temps en temps, je reviens ici et je reprends mes habits de femme pour que mon père ne soit pas inquiété. Ce soir même, je venais enfin de le décider à quitter Gérona pour toujours et à venir avec moi dans la montagne où il pourrait nous rendre de précieux services. Aussi, quand tu es entré ici ce soir, j'ai cru que c'était Dieu qui te livrait à ma vengeance, car je n'avais plus rien à craindre pour Don Miguel. Ces draps, ces beaux draps blancs que tu admirais, t'auraient servi de suaire. Je vous raconte tout cela bien tranquillement en fumant ma pipe, mais je vous assure que c'était terrible. Et après 50 ans passés, ma parole, j'ai encore peur. Quand tu me demandas à écrire, poursuivit Manuela, je fus bien heureuse, car cela servait à merveille mes projets. Il me répugnait de te tuer dans le noir, dans la nuit, tu serais mort sans savoir. Comme cela, j'étais sûr qu'avant d'exhaler ton dernier souffle, tu me verrais, et que tu aurais cette suprême douleur, toi, soldat, de te sentir frappé par une main de femme. Quand Teresa, la vieille servante, fut partie, je fermai doucement la porte je vins sans bruit derrière toi avec mon couteau. Tu n'entendais rien. Je lus les premières lignes par-dessus ton épaule. Ma chère sœur. Et puis tu lui disais que tu n'avais plus qu'elle d'amour, que tous les vieux parents étaient partis, que tu allais la revoir, l'embrasser. Alors brusquement j'ai pensé à moi, à tout ce que j'avais souffert, et j'ai pensé à elle. J'aurais dû pourtant avoir double joie, en songeant que j'allais torturer la Française, que son cœur allait saigner comme le mien, et que mon coup de couteau en te tuant allait la blesser pour toujours. Oui, j'ai pensé à elle, et au lieu de haïr plus fort, j'ai pleuré. Je suis tombé à genoux, et je n'ai pas tué. Maintenant, fais de moi ce que tu voudras. Va me dénoncer. Venge à ton tour tous les tiens que j'ai massacrés. Tu le peux. Je lui dis qu'un Français n'était pas un dénonciateur et qu'un soldat ne vendait pas les femmes. Elle réfléchit un instant. « Où vas-tu aller ? » demanda-t-elle. Je ne lui cachai pas que l'heure était tardive, que j'étais brisé de fatigue et que je coucherais parfaitement dans le lit qu'on m'avait préparé. « Et tu dormiras ? » « Je dormirai. » Longuement, elle me regarda. « Tu es brave, » fit-elle. « Dors, tu n'as rien à craindre. Je veillerai sur toi. » Elle sortit, je me couchai, et ma foi, je m'endormis tout de suite comme une bête, sans même songer à finir ma lettre. Remarquez bien, mes enfants, que ce n'est pas héroïque du tout ce que je fis là. C'était la matière, la brute, qui commandait, pas autre chose. Au matin, je m'éveillai, et pendant un bon moment, je crus que j'avais fait quelque épouvantable cauchemar. Mais le souvenir revint, très net, et je l'avoue sans honte, je ne m'attardai pas aux soins d'une longue toilette. Une fois habillé, je pris mon petit bagage et je descendis. En bas, la vieille Teresa m'ouvrit la porte. Comme j'allais franchir le seuil, une main blanche me retint, et je sentis qu'on me glissait un petit paquet. Je ne l'ouvris que dans la rue. C'était le poignard, enveloppé du fichu. Le fichu est parti je ne sais où, le poignard, le voilà. Comme nous restons tous muets, le général ajouta en reprenant du tabac. Dans ce temps-là, on envoyait de drôles. Ainsi s'achève le poignard de Gérona par Henri Briset.